Je voudrais vous transmettre un message qui n'est pas très très agréable, mais il faut se conformer au règlement des théâtres. Ce qui veut dire que la préfecture de police a remarqué beaucoup de cigarettes ce soir. Ce qui nous fait savoir que si vous continuez à fumer, désolé, vous êtes venu pour un spectacle. Je pense que maintenant vous allez pouvoir l'apprécier. Aller beaucoup plus loin encore, mais il faut arrêter de fumer. Merci. Je vous demande aussi pour les personnes qui ont des flashs, que ce soit la demande express de M. Fripp, d'arrêter les flashs de faire des photos avec des pellicules plus sensibles. Merci.